إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours 17 aujourd'hui dans le sharh de l'usul al-salata du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et يعني, la semaine passée on expliquait فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. C'est-à-dire, si on te demande qui est ton Seigneur, tu réponds, mon Seigneur, c'est celui qui m'a créé, qui m'a éduqué, qui m'a élevé, qui m'a fait grandir, qui me nourrit et qui a fait la même chose avec tous les mondes par sa grâce. Et donc, on expliquait ça, puis on était rendu à la fin de l'explication à ce sujet-là, lorsque le Cheikh il dit « كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية وعالم البر والبحر من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر كلها تتغذى بنعمه ورزقه. قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهذا هو الرب سبحانه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا لا الأصنام ولا غيرها ولا أحد يملك من الرزق شيئا وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك. Donc le Cheikh il explique que tout ce qui est sur la terre, donc de ce qui fait partie des mondes, soit des mondes du monde des êtres humains ou du monde des animaux, que ce soit le monde des mondes sur la terre ou bien des mondes qui sont dans la mer, que ce soit parmi les plus grandes créatures ou parmi les plus petites, que ce soit sur terre ou dans la mer, elles sont toutes nourries de la grâce et de la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets dans le Coran des choses dans ce sens-là. Donc, comme par exemple le verset 21 dans Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et qui va vous donner votre risque, votre subsistance, si Allah subhanahu wa ta'ala la retient ?» Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala retient la pluie, si Allah subhanahu wa ta'ala retient la terre pour qu'elle puisse pas faire pousser, si Allah subhanahu wa ta'ala retient ces choses-là, vous allez pouvoir rien avoir, rien manger, rien avoir comme subsistance. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez comme risque, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous le donne. Il mentionne le verset 6 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas une créature vivante sur terre, un animal ou une bête, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne sa subsistance. Et il sait où est-ce qu'elle habite et où est-ce qu'elle met sa nourriture. Hein? Et tout ça c'est dans un livre clair d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui existe sur terre, qui mange, qui marche, même les fourmis, même les abeilles, même les araignées, n'importe quel petit animal ou même les grosses, hein, comme les baleines ou autres, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui donne, qui donne à ces créatures-là leur subsistance. Hein? Masha'Allah. Donc ça, c'est pour dire que yani Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui subvient aux besoins de chacune de ses créatures. Et il mentionne également le verset 60 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel il dit: et combien d'animaux sur terre qui ne portent pas leur subsistance elles-mêmes? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui leur donne leur subsistance, ainsi qu'à vous-même. Hein? Il y a des animaux qui portent leur nourriture sur eux, et il y a d'autres animaux, ils ne portent pas leur nourriture, mais c'est quand même Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne leur subsistance. Hein? Et c'est lui l'audient, et l'omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout et qui entend tout. Et il mentionne également que c'est lui Ar-Rabb, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre Seigneur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: voilà votre Seigneur, alors adorez-le. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est lui votre Seigneur, alors adorez-le. Hein? Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 3 dans Sourate Yunus. Hein? Donc, c'est qui notre Seigneur? C'est celui qui nous donne notre subsistance et qui donne à chaque chose sa subsistance et qui s'occupe de toutes choses et qui a créé toutes choses et qui maîtrise toutes choses et qui fait grandir chaque chose. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose en dehors d'Allah ne détient quoi que ce, ne détient rien, ne détient pas rien du tout de qu'est-ce qui est dans ce monde. Donc les idoles, elles ne détiennent rien, et elles ne contrôlent rien, et elles ne créent rien. De même que toute autre chose que les mushrikoun peuvent adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont rien, elles ne détiennent rien, elles ne possèdent rien. Hein? Et elles ne peuvent pas donner la subsistance, puisque elle-même, elle est créée. Et elle-même, elle recherche sa subsistance. Et c'est Allah qui lui donne si elle a une subsistance. Elle est comme toi, elle est comme moi. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit: « وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ » C'est-à-dire, c'est lui que j'adore et je n'ai rien d'autre que j'adore en dehors de lui. Je n'adore rien d'autre en dehors de lui. Hein? « مَعْبُودِي » « Ma'boud », ça veut dire « c'est celui que j'adore ». Hein? Ça vient de « abada ya'boudou ». « Al-ma'boud », c'est « al-maf'oul ». Ala wazni maf'oul, ça veut dire celui que j'adore, hein, celui qui est adoré par moi, et je n'ai rien d'autre que lui. Parmi les choses que j'adore, je n'adore que lui seul, hein. Donc le Ar-Rabb, notre Seigneur, c'est qui? C'est celui qu'on adore, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc il explique, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: huwa ma'budi Ar-Rabb الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، لا يكفي أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمه، هذا لا يكفي، لا بد أن تعترف له بالعبودية وأن تخلص له العبادة. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك، فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكن مشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، يشرك معه من لا يخلق، من لا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد يقول ربي الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, hein, donc le Cheikh Al-Fawzan dit, donc c'est lui que j'adore, Rabb, le Seigneur dont on a parlé et qu'on a décrit en disant que c'est lui qui s'occupe et qui crée et qui donne la subsistance à toute la créature, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui mon Seigneur et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Personne d'autre que lui ne mérite notre adoration, ni mon adoration à moi. Personne d'autre que lui ne mérite mon adoration à moi, ou bien l'adoration de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire toute personne qui qui a reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est son Seigneur, il doit savoir que c'est également Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui mérite son adoration. Et c'est, ça veut dire ça en même temps aussi, comme le cheikh il le mentionne en disant « Wa huwa ma'budi, laysa li ma'budun siwahu » c'est lui que j'adore et je n'adore rien d'autre en dehors de lui. Ça, ça veut dire également qu'on ne peut pas uniquement se limiter à dire qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le maître et que c'est le Seigneur et que c'est le créateur. C'est pas suffisant. Il faut en même temps dire qu'on croit que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc il faut reconnaître, en même temps qu'on reconnaît Ar-Rububiyya, il faut reconnaître Al-Ubudiyya ou bien Al-Uluhiyya. Ubudiyya et Uluhiyya, c'est des synonymes. Ok? Donc, il y a des gens qui croient en Dieu, mais en même temps, ils adorent d'autres avec Allah. Donc ceux-là ne sont pas des muwahhidun, ce ne sont pas des monothéistes, ce ne sont pas des gens qui ont accepté de croire en un Dieu unique réellement. Celui qui croit réellement en un Dieu unique, c'est pas seulement de dire je crois que Dieu existe et qu'il est unique avec sa bouche. Il faut également que dans ses applications et dans sa pratique religieuse, il restreigne son adoration qu'à Dieu seul. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à part les êtres humains, peu importe qu'est-ce que ça peut être, eh bien il le rejette. Donc c'est ce que le cheikh explique. Il dit c'est ça la différence entre le vrai muwahhid, le vrai musulman qui est sur le tawhid, et le mushrik. Le vrai muwahhid, celui qui adore seulement Allah, il accepte la rububiyya d'Allah, que Allah c'est le seul maître et le seul créateur de toutes choses. Puis, en même temps, il accepte que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré et qu'il n'a aucun partenaire dans son adoration. Tandis que le mushrik, lui, il dit peut-être que Allah est le seul créateur et le seul maître, mais en même temps, il associe d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et il associe d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que parfois, il va adorer d'autres créatures que Allah. Ou bien d'autres, il va adorer Allah, mais il va adorer d'autres avec Allah en même temps. Ou bien parfois, il va prendre des intermédiaires entre lui et Allah pour se rapprocher à Allah. Il ne va pas adorer Allah directement. Tout ça, c'est des catégories de shirk. Hein? Et donc, le shirk, il dit, donc, le mushrik, il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des associations avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, peut-être que dans Ar-Rububiyya, il ne fait pas de shirk, dans le sens qu'il croit que Dieu est unique, mais en même temps, dans l'adoration, il fait du shirk. Si tu lui demandes qui t'a créé, il va dire Allah. Si tu lui demandes qui te donne ta subsistance, il va dire Allah. Si tu lui demandes c'est qui contrôle tout, il va dire Allah. Il n'y a personne d'autre que Allah. Mais quand il veut adorer, quand il veut prier, quand il veut demander une baraka, il demande à un saint, il demande à une tombe, il demande à une croix, il demande à un prophète, il demande à un ange, il demande à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un muwahhid, il n'est pas sur le tawhid, c'est un mushrik, même s'il prétend croire en Dieu. Donc le cheikh il dit « wa hada huwa al-farq » et c'est ça la différence, c'est la distinction entre celui qui est sur le tawhid et celui qui est mushrik, celui qui est muwahhid et celui qui est mushrik. Donc quand quelqu'un est sur le tawhid en arabe, on dit qu'il est muwahhid. Muwahhid, ça veut dire qu'il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Tandis que celui qui fait le shirk, on l'appelle le mushrik, celui qui commet le shirk. D'accord? Donc le muwahhid, il ne dit pas juste Allah c'est mon Seigneur, mais il dit Allah c'est mon Seigneur et c'est lui seul que j'adore, je n'adore rien d'autre que lui. أما المشرك فيقول ربي الله ولكن العبادة عنده ليست خاصة بالله فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور وذلك فلذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية ولم يدخله في الإسلام. Donc le cheikh il dit, tandis que le mushrik, comme j'ai dit tout à l'heure, le cheikh il le répète, il dit le mushrik, il dit mon Seigneur c'est Allah, mais l'adoration, il ne croit pas que c'est quelque chose qui est spécifique et exclusif à Allah. Donc, il adore Allah, mais avec Allah, il adore des arbres, il adore des pierres, il adore des saints, il va adorer des hommes pieux, il va adorer des tombes. Hein? Donc, à cause de ça, il devient un mushrik, il devient quelqu'un qui adore d'autres avec Allah, qui commet du shirk. Et donc, le fait qu'il dise que Allah c'est mon Seigneur et c'est lui qui est unique et ainsi de suite, ça ne lui sert à rien. Et ça ne lui profite en rien. Parce que, il associe, il fait du shirk dans l'adoration. Donc, ça ne le fait pas rentrer dans l'islam. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. C'est un point très important. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui va dire, par exemple, je crois que Dieu existe. Hein, des fois, il y en a des musulmans, ils veulent faire da'wah à un chrétien ou à un juif ou à un athée. Hein? Et le meilleur exemple, c'est souvent, c'est ça, c'est des athées, tu vois, des gens, ils disent, non, moi, je crois pas en une religion. Mais je crois en Dieu. Ou je crois qu'il y a une force, il y a un créateur. Hein? Donc, il y en a qui pensent, ah, ça y est, c'est suffisant. Et même, il y en a, par exemple, certains soi-disant des gens qui ont étudié la science naturelle, soit la physique, la chimie, la biologie ou d'autres. Et puis, ils disent, ouais, je crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a un être suprême. D'accord? Et ils pensent que ça, c'est suffisant. Donc ça, c'est pas suffisant pour être musulman. Pour rentrer dans l'islam, c'est pas juste de dire Dieu existe et il est unique. Il faut en même temps croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Premièrement aussi, il faut l'adorer. Souvent, ces gens-là, ils disent Dieu existe, mais ils croient pas en les messagers. Ou bien ils croient pas en les livres révélés par Allah. Ils disent je crois en Dieu, mais je crois pas en des religions. Ou en une religion qui a été révélée par Allah. Donc ça sert à rien. Hein? Et la même chose, s'il dit je crois en Dieu et j'accepte hein, la religion, mais en même temps j'adore d'autres avec Allah, ça aussi c'est pas acceptable. Il faut qu'il adore Allah seulement, hein, qu'il n'associe rien d'autre avec Allah. Donc il dit فقوله هو معبودي أي الإله الذي أعبده وقوله ليس لي معبود سواه لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار ولا الأحجار ولا من أي شيء ليس لي معبود سواه وهذا تقرير التوحيد بالدليل وهذا دليل عقلي ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن. Donc le cheikh il dit donc c'est celui que j'adore, c'est lui seul que j'adore, c'est mon Rabb, c'est lui que j'adore et je n'ai rien d'autre que j'adore en dehors de lui. Ni les anges, ni les messagers, ni les hommes pieux, ni les arbres, ni les pierres. Hein? C'est ça le message de l'islam. C'est ça le message de l'islam. Et aussi simple que ça peut sembler, et aussi simple que ça peut paraître, pourtant, quand on parle avec des gens, beaucoup de gens, que ce soit des non-musulmans ou bien des musulmans qui ne connaissent pas l'islam, quand tu leur expliques que la base de l'islam c'est ça, ils sont surpris, hein, parfois. Et moi, quand j'ai expliqué ça même à des proches, même de ma famille, que je leur ai expliqué ça, ils ont été tellement surpris, ça les a tout de suite, ils ont commencé à aimer l'islam. Juste à savoir ça. Hein? Et malheureusement, il y a des musulmans qui ne connaissent pas l'importance du tawhid, et quand ils parlent de l'islam avec un non-musulman, il va parler de toutes sortes d'autres affaires sur l'islam, mais il va négliger cet aspect-là. Donc il va dire, nous dans l'islam, on a un bon comportement envers les parents, c'est très important pour nous dans l'islam, c'est très important le respect de la famille, c'est très important par exemple le bon comportement, c'est bien important ci et ça, il faut se laver les mains avant de manger. Hein? Il va parler, enfin il va leur concentrer sur ça seulement. Ça c'est des choses importantes, mais ça c'est pas la base. La base de l'islam, c'est la ilaha illallah. Et ça, cette chose-là, c'est tellement important, si les musulmans pouvaient réaliser l'importance de ça, que quelqu'un, s'il comprend réellement la religion comme il faut, et que tu lui expliques juste ça, de l'islam, il risque même de se convertir, hein, sur le champ. Barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh. Allahu akbar. Tu vois? Parce que beaucoup de gens, des non-musulmans, ils connaissent pas ça de l'islam. Ils savent pas que c'est ça l'islam. Il y en a beaucoup de koufars, il y en a qui sont soit chrétiens ou autres, ils ont entendu des choses sur l'islam, toutes sortes de choses sur l'islam, mais pas, ils savent pas c'est basé sur quoi. Ils ne savent pas que le tawhid dans l'islam, il a vraiment une grande importance, que c'est la base de tout. Et que nous, on n'adore que Allah, on n'a pas le droit d'adorer un homme, un ange, un saint, un prophète, une image, une idole, une statue. Quand tu leur montres que le christianisme, hein, ils sont tombés dans le shirk, et qu'ils adorent un être humain, ou qu'ils adorent des images, ou qu'ils adorent des croix, ou des choses comme ça, puis que nous, l'islam, dans l'islam, on rejette ça, et que ça, c'est en réalité même Isa ibn Maryam, alayhi salam, lui aussi, il rejetait ça, et il a enseigné le tawhid, et c'est que la religion d'Isa ibn Maryam, c'était l'islam aussi, et que tu leur expliques juste ces choses-là de base, hein, ça les, tout d'un coup, là, ça peut leur faire un déclic dans leur esprit, là, hein, et ça peut ouvrir leur cœur à l'islam. Hein. Et quand j'ai dit ça à, même, je me rappelle, ma belle-mère, je lui ai expliqué ces choses-là. Elle m'a dit, dis-moi pas ça, c'est pas vrai. Hein, c'est vraiment ça l'islam. Hein, tout de suite, elle a été intéressée. Elle a commencé à changer sa façon de penser de l'islam, tout de suite. Hein? Ben, tu vois? Parce que même moi, je me rappelle même avant l'islam, je voyais des gens qui se prosternaient à la télé, mais j'ai jamais vu devant quoi ils se prosternent. Et moi, dans ma tête, je voyais c'était des gens en Inde. Hein? J'ai dit, ah, ces gens-là, ils se prosternent devant des statues, ça doit être des gens qui font l'idolâtrie. Et j'ai vu des photos du Maroc avec des gens qui jouaient de la flûte avec des serpents. J'ai dit, c'est quoi cette religion-là, avec des serpents, des trucs comme ça? Je pensais que c'était ça l'islam. Hein? Parce que c'est ça qui monte dans les livres de tourisme, là. Quand tu lis les livres de tourisme pour aller visiter les pays musulmans, ils te montrent les pyramides, ils te montrent les serpents avec les flûtes, hein, ils te montrent les choses comme ça. Ils te montrent pas le tawhid, l'islam, qu'est-ce que c'est. Donc quand tu vois ça, tu dis, c'est quoi cette religion-là, hein? Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas comme religion. Parce qu'ils cachent, en fait, l'islam. Il y a beaucoup de koufars aujourd'hui, ils savent pas qu'en Égypte, la religion, c'est l'islam. Ils pensent, il y en a parmi les gens là-bas, ils pensent que c'est encore les pharaons qui adorent les statues de la mythologie égyptienne ancienne. Les pyramides, les pharaons, les, hein, Ra, puis Osiris, puis les trucs comme ça. Yani, subhanallah. Non, mais c'est pour ça, c'est important d'expliquer, ça c'est du shirk, et nous on est musulmans, et l'islam c'est le tawhid, et dans nos pays, il y a des choses qui se passent qui sont parfois en contradiction avec le tawhid et avec l'islam, et c'est pour ça qu'il faut clarifier ça pour les gens. Hein, pour que si jamais il y en a qui vont partir en voyage, faire du tourisme parmi les koufars, ils vont aller faire du tourisme dans les pays musulmans, ils vont voir plein de choses. Des fois qui sont contraires à l'islam. Il faut leur expliquer qu'est-ce que vous avez vu, ça c'est pas correct, c'est pas vraiment l'islam. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait, par exemple, vous avez vu ça, mais ça c'est pas islamique. Hein? Il faut distinguer, parce que eux, ils vont penser que tout ce qu'ils voient dans les pays musulmans, c'est l'islam. Ils vont pas faire de la distinction entre les deux. Donc, at-tarkiz, de se concentrer sur la compréhension et l'explication des bases de la religion musulmane avec ces gens-là. Hein? C'est très très très important. Donc il dit c'est ça. وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا تَقْرِيرُ التَّوْحِيدِ بِالدَّلِيلِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَقْلِيٌ. Donc ça c'est yani, l'explication et l'établissement et le fait de confirmer le tawhid avec preuve. Et là on a mentionné des preuves logiques, rationnelles. Et il y a également les preuves textuelles dans le Coran, comme par exemple le Cheikh il dit wa dalil wa qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Et le Cheikh il dit hadhi al-aya awwalu al-Quran fi al-mushaf. هي أول القرآن في المصحف وليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم وهي آخر كلام أهل الجنة قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله جل وعلا افتتح بها الخلق وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وختم بها الخلق وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفتح بها الخلق وختم بها فهي كلمة عظيمة فقوله تعالى الحمد الحمد الحمد يعني معناه الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وألف لام في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا فهو المستحق للحمد المطلق وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل لأن المنعم كلها منه لأن النعم كلها منه. Donc le cheikh il explique les preuves textuelles. Parmi les preuves, il y a le verset dans sourate al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à la louange tout entière et à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Donc quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça veut dire que toute la louange, toute la gloire, toute la louange en tout entière n'appartient qu'à Allah seul, le Seigneur des mondes. D'accord? Et donc, ce verset dans le Coran, c'est le premier verset dans le Coran. Il n'y a rien avant ce verset excepté Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est la dernière parole que les gens du paradis vont dire. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Et leur dernière parole, leur dernière invocation, ce sera louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ça, c'est le verset 10 dans Surat Yunus. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté la création, il a ouvert la création par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme le verset 1 dans Surat Al-An'am. Il dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Puis il a terminé la création par Alhamdulillahi Rabbil Alamin aussi. Il a dit, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a tranché entre eux, a jugé entre eux en toute vérité et il a été dit louange à Allah le Seigneur des mondes. Donc il a terminé le jugement de la création par Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a débuté la création par Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc c'est une grande parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une grande parole. Et Alhamdu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les éloges et la louange qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les choses qu'il nous donne qui font qu'il mérite la louange et la glorification et notre amour et notre respect et notre vénération et exaltation de pour tout ce qu'il nous donne. Donc alif lam, quand on dit alhamd, ça c'est pour dire que ça inclut toutes les formes de glorification et pour toutes choses donc alhamd c'est la louange tout entière c'est ça que ça veut dire. C'est pas comme c'est dit hamdun lillah, une louange à Allah. Non, c'est la louange à Allah, ça veut dire tout ce qu'il y a comme louange, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle lui appartient, et il est le seul à réellement les mériter, ces louanges-là. Pourquoi il est le seul à les mériter de façon absolue? Parce que c'est lui qui est le créateur de tout, et c'est lui qui a donné tout, et c'est lui qui a fait tout ce qui mérite le bien. Tout ce qu'il y a de bien, tout ce qui est de beau, ça vient de lui. Et tout ce qui est de bon, ça vient de lui. Tandis que les créatures, si certaines créatures, par exemple, font du bien, un bien quelconque, elles vont mériter une louange, mais c'est une louange qui est relative. C'est-à-dire qu'elle est limitée au bien qu'ils ont fait. Tandis que les... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Masha'Allah. Tandis que le Créateur, lui, il mérite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite la louange pour tout. Et c'est une louange qui est absolue et parfaite. Et elle revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala tout entière, pour toutes les grâces qu'il nous a données. Wa hatta al-makhluq, iza asda ilayka shay'an min al-ihsan, fa'innahu min Allah, azza wa jal. هو الذي سخر لك هذا المخلوق وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك فالحمد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc même quand une créature te fait du bien, ce bien là qu'il te fait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a fait en sorte que cette personne là vienne pour te faire ce bien. C'est lui qui l'a mis si tu veux, c'est lui qui l'a mis dans ton chemin pour que cette personne-là te fasse un bien et qui lui a permis de te faire ce bien. Donc la louange, elle revient à Allah en réalité. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi que cette personne-là vienne pour te faire le bien. C'est une, lui, il est une cause là-dedans, mais ça vient réellement, en réalité, ça vient d'Allah. Hein? Donc, il faut reconnaître la grâce d'Allah, hein? Que ça vient d'Allah. Et des fois, par exemple, tu vas dire, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man la yashkur al-nas, la yashkur Allah. Hein? Donc, il faut remercier les gens, parce que celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Hein? Mais en même temps, il faut comprendre que lorsque les gens te font du bien, eh bien, c'est par la grâce d'Allah qu'ils te font du bien aussi. Donc, tout, à la fin, tout revient à Allah. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit ensuite wa qawluhu lillah. Alhamdulillah. Jarun wa majrur. متعلق بمحذوف خبر المبتدا أي الحمد كائن أو الحمد مستقر لله سبحانه عز وجل أو نعم أو مستقر أو مستقر أي نعم أو مستقر لله عز وجل والله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه لا أحد تسمى بالله حتى فرعون ما قال أنا الله ولكنه قال أنا ربكم فهذا الاسم خاص بالله لا أحد يتسمى به أبدا لا أحد يجرأ أن يقول أنا الله. Donc, le cheikh, il explique que quand on dit Alhamdulillah, ça c'est jar wa majrur. Et il y a quelque chose qui est sous-entendu, qui n'est pas prononcé. C'est en fait, c'est comme si on disait la louange, yani, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est établie en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, elle lui appartient à lui, et c'est à lui, et c'est lui qui la mérite. Et il dit que Allah, le nom Allah, ça signifie celui qui détient le droit d'être adoré sur toutes les créatures. Et c'est un nom par lequel personne d'autre que lui n'a le droit d'être appelé. Personne d'autre que Allah n'a le droit de s'appeler Allah, subhanahu wa ta'ala. Même Pharaon, il n'a pas dit aux hommes, je suis Allah. Il a dit, je suis votre Seigneur. Hein? Wa qala ana rabbukum. C'est ce qu'il a dit, mais il n'a pas dit je suis Allah, parce que Allah c'est un nom qui est spécifique et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne ne peut avoir le culot ou l'affront de dire moi je suis Allah, hein? Ce nom là il est seulement désigne uniquement le maître des créatures, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala. رب نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف رب العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم عالمون عالمين مضاف إليه مجرور رب العالمين. Donc le cheikh il explique que رب c'est un nom qui désigne un des noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, Rabb c'est le Seigneur et il est associé à un autre mot qui est Al-Alamin. Et c'est pour ça qu'il est majrour, parce qu'il est relié à Rabb, Rabbul Alamin. Ça c'est dans la grammaire arabe. Quand quelque chose est relié à un nom, donc on dit qu'il est mudaf ilay, donc il devient majrour. Il va prendre le ya au lieu du wow. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc Allah c'est pas, ça veut pas dire juste Dieu. Non, on va inchallah, on va régler ça inchallah. Donc Allah ça veut pas juste dire Dieu, parce que Dieu c'est pas un nom. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est un nom. Et c'est un nom qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux traduire en fait un mot qui serait plus proche de Dieu, en arabe, ce serait plutôt soit Rab ou bien soit Ilah. Ok? Ilah, c'est un dieu. Ou bien Rab. Mais Allah, ça c'est un nom qui est spécifique à Dieu, à Allah. Dans le sens que Dieu, là, tu peux le mettre au pluriel, avec un X, des dieux. En arabe, tu dis Aliha, des divinités. Tu peux le mettre au féminin, déesse. Hein? Tu peux dire le dieu de l'amour, le dieu de la musique, le dieu du ciel, le dieu de la terre, le dieu de l'eau, le dieu de l'océan. Hein? Comme les koufars, c'est ce qu'ils disent. Mais Allah, non. Allah, c'est juste pour le créateur, Rabb. Hein? Donc, c'est ça la différence. Tandis que le mot ilah, tu peux l'utiliser pour dire aliha au pluriel. Puis, une ilah, ça peut être un ilah qui est vrai, comme Allah subhanahu wa ta'ala, puis ça peut être ilah qui est faux, comme tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les tombes, comme les saints, comme les anges, comme les idoles, ainsi de suite. Les gens l'appellent ilah. Mais il ne mérite pas d'être adoré. Donc, c'est pour ça que ça rentre dans ce sens-là. Donc, le mot Dieu, ça désigne, si tu parles du vrai Dieu, ça désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu l'utilises Dieu comme ça, des fois même en français, on fait une différence entre Dieu grand D, D majuscule, et Dieu petit d, c'est-à-dire D minuscule. Quand c'est écrit avec un D majuscule, c'est pour désigner le Dieu. Le vrai Dieu. Tandis que Dieu au pluriel ou bien un faux Dieu, ils vont le mettre Dieu avec un D minuscule pour faire la différence. Tu comprends, Hassan? Donc c'est pas pareil. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah. Puis en arabe, il n'y a pas de lettre majuscule, minuscule. En arabe, tout est. Hein? Les lettres sont toutes pareilles. Il n'y a pas de différence entre majuscule, minuscule. Donc, on peut dire que c'est un peu ça la différence. Ok, donc le mot Dieu c'est pas synonyme ou c'est pas équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est important quand tu écris en arabe d'utiliser le terme Allah. Quand tu écris en français c'est bon d'utiliser le terme Allah au lieu de dire Dieu, dis Allah subhanahu wa ta'ala pour faire comprendre que ce nom là c'est un nom qui est exclusif à Dieu, le Créateur. Ok, puis c'est bon de faire comprendre ça aux chrétiens puis aux juifs et aux non musulmans. Pour que ça devienne quelque chose qui est accepté et compris chez eux, parce que on leur a beaucoup inculqué l'idée que les musulmans ils ont un autre Dieu à eux seulement, puis c'est pas le même Dieu que celui que les prophètes adoraient, c'est un faux Dieu. On dira le Dieu des musulmans il s'appelle Allah, le Dieu des chrétiens il s'appelle comme ça, toi. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc, il faut leur faire comprendre que le Dieu qu'on adore, nous, c'est le Créateur des cieux, de la terre, hein, et son nom, c'est Allah. Et ce nom-là, même les chrétiens arabes, ils l'appellent Allah. Même les juifs arabes, ils l'appellent Allah. Le Créateur, ils l'appellent Allah. Hein? Et même les chrétiens en arabe, quand ils parlent de Jésus, ils disent Isa ibn Allah. Hein? Fils de Allah, a'udhu billah. Hein? Donc, le mot Allah, même chez les kuffars, parmi les arabes, ils l'appellent Allah. Même les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient Allah aussi, pour désigner le créateur. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Donc, Allah, il dit, même si tu leur demandais aux arabes qui adoraient les idoles, qui a créé les cieux et la terre, ils allaient dire Allah. Donc, ils connaissaient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'utilisaient pour désigner le Créateur. Donc, ce nom-là, c'est spécifique. Tandis que Rabb, on peut l'utiliser pour autre chose que pour Allah. Dans le sens que, comme le cheikh, il va l'expliquer, quand le terme Rabb, il est utilisé de façon absolue avec Alif Lam, Ar-Rabb, là, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le Seigneur. C'est-à-dire c'est Allah. Mais si tu dis par exemple Rabbul Bayt ou Rabbul Usra, le Seigneur de la maison ou le Seigneur de la famille ou des choses comme ça, là c'est clair que tu spécifies Rabb de quelque chose en particulier pour dire que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature. Tu as le droit d'utiliser le terme Rabb dans ce sens-là pour dire que c'est yani le chef de la famille ou le chef de la maison. Hein? Le terme Rabb, c'est pas comme Allah, c'est pas comme le nom Allah, c'est différent. Parce que tu peux l'utiliser pour une créature, mais à condition que tu le restreins à quelque chose de particulier. Tandis que Rabbul Alamin, personne ne peut s'appeler Rabbul Alamin excepté Allah. Ou personne ne peut s'appeler Ar-Rabb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il doit spécifier que c'est un Rabb de quelque chose restreint. Et non pas quelque chose général ou absolu comme on le dit lorsqu'on parle de Allah. On dit qu'il est le maître des mondes. C'est le seigneur des mondes. Donc, le cheikh, il dit justement, il dit, فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. Donc c'est clair que la louange tout entière et la louange et l'éloge tout entière revient à Allah سبحانه وتعالى. وعالم الملائكة عالم الجن عالم الملائكة عالم الجن عالم الجمادات والطيور عالم السباع السباع عالم الحيوانات عالم الحشرات والزرع وعوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله كلها الله كلها الله ربها. Donc le cheikh il dit il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs univers. Il y a le monde des anges, le monde des êtres ou des créatures inertes, le monde des oiseaux, le monde des bêtes sauvages, des animaux féroces, hein, les bêtes de proie, comme les animaux de proie, comme on dit, les animaux en général, le monde des animaux, le monde des insectes, le monde des particules, des petites, hein, des atomes, le monde les différents mondes qui existent sur terre et dans la mer, tout ça c'est des mondes. Et il y en a des mondes que seul Allah connaît. Il existe des mondes, c'est seulement Allah qui les connaît. Nous, on ne les connaît même pas. Des fois, c'est des choses tellement petites, on ne les voit même pas avec nos yeux. Le monde des bactéries, le monde des microbes, le monde des virus. Hein? Tout ça, c'est des mondes tellement minuscules, microscopiques, on ne peut même pas les voir, on ne sait même pas qu'ils existent. Hein? Subhanallah. Donc ça, c'est des exemples. Et il dit... Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît combien il y en a de mondes et Allah il est le maître de tous ces mondes-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas seulement le maître et le créateur des musulmans et des êtres humains. Il est le maître et le créateur et le seigneur de toutes les créatures qui existent dans le monde. Hein, et même il est le Dieu et le maître et le créateur même des koufars et des juifs et des chrétiens et de tout ce qui existe. Il y a un seul Dieu, même ce Dieu-là, même celui qui le renie, il est leur Dieu quand même. Hein? Il est leur maître quand même. Hein? Donc c'est pour faire comprendre. Et le cheikh dit, wa rabbul alamin, wa hadha la yutlaqu illa ala Allah, subhanahu wa ta'ala. La yumkinu li ahad an yuqalu lahu rabbul alamin. Fa iza qila ar-rab, fa hadha la yutlaqu illa ala Allah. Hein? Illa ala Allah. Ala Allah jalla wa ala. Wa la yansarifu illa ilayhi. Amma al makhluq fayuqayyid fayaqul rabbud dar, rabbul bahima. Ay, yani malikuha wa sahibuha. Donc le cheikh il dit donc personne peut dire rabbul alamin excepté Allah. Donc c'est pas permis à quelqu'un de dire que moi je suis rabbul alamin. Personne n'a le droit de dire ça. C'est juste Allah qui a le droit de dire ça, qu'il est le Seigneur des mondes. Et si on dit par exemple Ar-Rab, on veut dire uniquement par là Allah. Ar-Rab avec Alif Lam. C'est comme si tu disais le Seigneur. Si tu dis le, ça désigne que ça veut dire le, ça veut dire c'est Allah. Hein? Le maître. Hein? Comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut dire je suis un maître d'école. Hein? Mais tu peux pas dire je suis le maître du monde ou le maître de hein, le maître tout court. Non, c'est Allah qui est le maître. Et c'est Allah qui est le maître du monde. Mais tu peux dire je suis maître d'école, hein, par exemple, ou je suis chef dans la chef de famille, c'est-à-dire maître de la maison. C'est moi le maître de la maison. Oui. Ou bien le seigneur. Ici même au Québec, avant il y avait des seigneuries, des seigneurs. Et chaque seigneur, il avait des terres qu'il donnait à des paysans. C'est eux qui étaient, qui travaillaient pour le seigneur. Puis il leur donnait une part des récoltes ou des trucs comme ça. Ça s'appelait, ils appelaient les gens des seigneurs. Même les prêtres, ils les appelaient des seigneurs ou des trucs comme ça. Hein? Donc, il faut faire une distinction entre un seigneur et le seigneur. On dit le Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si tu dis le Seigneur de la maison, le Seigneur de l'animal, en voulant dire le maître de l'animal, le propriétaire de l'animal, ça c'est correct. Mais si tu dis le maître, là ça c'est pour Allah seulement. D'accord, donc on a fini cette partie. Est-ce qu'il y a Issa? Ah, il est là. Mais je sais pas à quelle heure, quand est-ce qu'ils veulent commencer, là? Hein? Ok, khair, inshallah. Donc, après, le cheikh dit, « Wa kullu ma siwallahi alam. » Hein? Il faut faire une différence entre « alam » et « alim ». Des fois, je me mélange, là. Parce que « alim », ça veut dire un savant. Et « alam », ça veut dire le monde. Donc, c'est juste une différence entre une fatha et une kasra. Ok? Donc, alam et alim, c'est deux choses différentes. Alam, c'est le monde, et alim, c'est un savant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, et il est le maître des mondes, c'est-à-dire Rabbul Alamin. Alamin, c'est le pluriel, alam, c'est le singulier. D'accord? Donc, il dit, wa kullu ma siwallahi alam, wa ana wahidun min zalika al-alam. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. Hein? Donc le cheikh il a dit tout ce qui est en dehors d'Allah c'est le monde. Hein? Et moi je suis une des choses qui compose ce monde. Je suis un des éléments qui compose ce monde. Donc il y a Allah et il y a le monde. D'accord? Donc il y a juste ces deux choses-là qui existent. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, et l'alam, qui est la créature. Et ces deux choses-là, ces deux choses qui existent, qui sont distinctes. Elles sont séparées et distinctes. Et il ne faut pas mélanger les deux. Le créateur, c'est le créateur. La créature, c'est la créature. Hein? On ne fait pas comme les chrétiens qui mélangent le créateur et la créature ensemble. Ils disent que Jésus c'est Dieu incarné. Le Dieu devient, il se mélange, il devient de la chair. Comme ils disent, Dieu s'est fait chair. Quand on était petit, c'est ça qu'ils nous apprenaient à l'église, à l'école. Hein? Ils disent, Dieu s'est fait chair. Ils disent, Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire il est devenu de la chair. Pourquoi? Parce que il veut connaître la souffrance des êtres humains. Hein? Il veut connaître la souffrance. Parce que, comme si en voulant dire, s'il ne vit pas, qu'est-ce que les êtres humains vivent? Comment il peut les comprendre? Vous voyez comment ils ont mal connu Allah subhanahu wa ta'ala? Comment ils ont mal compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin, hein, il n'a pas besoin de devenir un être humain. Déjà, ça, c'est impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout puissant et le parfait. Il ne peut pas devenir faible et imparfait. Hein? Sinon, ça veut dire que c'est une imperfection. C'est pas possible à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est l'omniscient, celui qui sait tout. Il ne peut pas devenir ignorant. Il ne peut pas devenir une créature. Il est le créateur. Hein? Donc déjà, ça, c'est des choses contradictoires et impossibles d'attribuer ça à Allah. Et de plus, il connaît les créatures mieux que les créatures se connaissent elles-mêmes. Donc, il n'a pas besoin de devenir une créature pour connaître sa créature. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne connaîtrait-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui, hein, le bien informé le doux et le bien informé. Donc c'est pour faire comprendre que ces gens-là, ils ont une notion complètement fausse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les musulmans, ou bien plutôt parmi ceux qui se prétendent musulmans, il y a une catégorie des gens parmi les extrémistes, parmi les soufis, qui croient en un principe ou une notion qu'ils appellent Wahdatul Wujud. Ils croient que Dieu c'est tout et tout est Dieu. Et ils font pas de différence entre le créateur et la créature. Ils disent la créature c'est le créateur, puis le créateur et le créateur c'est la créature. Et celui qui fait une différence entre ces deux choses-là, il est mushrik. Eux, ils disent, c'est ça le tawhid, c'est de croire qu'il y a une seule chose qui existe. Et c'est Allah et tout est Allah et Allah est tout. Celui qui fait une différence entre Allah et la créature, il est mushrik pour eux. Donc c'est des égarés ces gens-là. Et pour ça, c'est pour ça que pour eux, les gens qui adorent les idoles, ils ne sont pas des mushrikoun. Tant qu'ils reconnaissent que ces idoles-là, ça fait partie d'Allah et que c'est Allah. Et les hindous, c'est ça qu'ils croient. Et les chrétiens, ils croient une partie de ça. Puisqu'ils croient que Dieu est rentré dans Jésus. Ils disent, on n'adore pas Jésus, le corps, la chair, l'enveloppe charnelle, corporelle. On adore l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de ce corps-là. Et ça, c'est du shirk. Et les hindous, la même chose. Quand ils se prosternent devant la statue de Vishnu ou de Brahma ou de je sais pas Lingam ou je sais pas de quel autre Krishna ou je sais pas quoi, ils disent ça aussi. Ils disent non, on n'adore pas la statue, ça c'est juste une représentation pour nous aider à nous concentrer, mais on adore Dieu qui est dans la statue à l'intérieur et qui est dans l'univers au complet, qui est mélangé dans toutes les choses. Nous on dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, séparé de sa création. Et c'est pour ça que le cheikh il dit ici, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du monde qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je suis un des éléments qui compose ce monde. Et ça c'est le tawhid, c'est le fait de croire qu'il y a Allah qui existe et il y a la créature, le créateur et la créature. Toutes les autres religions en dehors de l'islam, ils appellent les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la créature, à travers la créature. Et l'islam dit non. L'islam, il dit adorer le créateur seulement et directement et lui seul. Vous adorez pas la créature. C'est ça l'islam. C'est ça le tawhid. C'est ça l'unicité d'Allah. Et c'est ça qui distingue l'islam de toutes les autres fausses religions. C'est ça le point fondamental, le plus important, qui distingue l'islam de toutes les autres religions qui sont fausses. Ensuite, il dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur. Donc, le premier point, le Cheikh il dit تَبَيَّنَ الشَّيْخ ثُمَّ بَيَّنَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهَ الْاِسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَوْلُهُ كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين لا الكافر ولا المسلم هذا لا يمكن أبدا لا يقول عاقل هذا دليل لا يقوله عاقل وهذا دليل على ربوبية الله عز وجل وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه وتعالى ولذلك قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. Donc il dit وهذا يفيد الحصر لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل نعبد يدل على الحصر فإياك نعبد يختلف عن نعبدك لأن نعبد هذا إثبات فقط ولكن إياك نعبد يتضمن النفي والإثبات أي لا نعبد غيرك والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات وهذا معنى لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné de quel, yani, quelle est la preuve dans ça, dans Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est quoi la preuve de ce qu'on vient de mentionner dans Alhamdulillah Rabbil Alamin pour dire que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré? Il explique, il dit que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monde, et moi je suis un des éléments qui composent ce monde. Ça veut dire que mon Seigneur, hein, mon maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de tous les mondes. Et moi je suis un des éléments qui composent ce monde-là. Donc il n'y a personne qui peut venir et dire, moi j'adore un Seigneur, ok, qui est le maître en dehors, ou qui est un Seigneur en dehors du Seigneur des mondes. Tu vas dire, si quelqu'un vient et dit, moi j'adore un Seigneur, mais c'est un autre que le Seigneur des mondes. Tu vas lui dire, mais il est Seigneur de quoi? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de tout. Alors ton Seigneur, il est Seigneur de quoi? Il est Seigneur de rien. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement l'argument que Yusuf alayhi salam, quand il était dans la prison, il parlait avec les gens de la prison pour les appeler au tawhid. Il leur a dit A arbabun mutafarriqun khayrun am Allah al-wahid al-qahar. Donc est-ce que des seigneurs, hein, des dieux, hein, divisés, séparés, c'est mieux, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, l'unique, al-qahar, hein, celui qui est contraignant, qui a le pouvoir sur toute chose? Alors tu dois réfléchir. Quelqu'un dit, moi mon Dieu il est maître de cet arbre, ou maître du soleil. Et tu dis, oui, mon Seigneur il est maître de tout. Il n'y a rien excepté que tout lui appartient. Hein? Et même il est le Seigneur de ton Seigneur. Il est le maître de celui que tu adores. C'est lui le créateur de celui que tu adores. Hein? Et il n'y a pas un atome dans les atomes de l'univers excepté qu'il appartient à mon Seigneur, celui qui a tout créé. Donc, Aynam, donc Inch'Allah, donc c'est pour dire, ça c'est un point très très important pour faire comprendre à ces gens-là, surtout ceux qui ont séparé, hein, des divinités séparées, comme en Inde par exemple. Dans la même famille, des fois, dans des gens de la même famille, vous allez voir des gens qui ont différentes divinités, dans la même maison. Et un, il dit, oh, moi j'adore le dieu de l'amour. L'autre, il adore le dieu de la guerre, ou le dieu de la destruction. Subhanallah. 3 millions de dieux, vous imaginez, hein? Donc, ces gens-là, c'est pour ça. Chacun, il adore qu'est-ce qu'il veut, selon ses passions, selon ses désirs. Hein? Il y en a qui adorent quelque chose, il y en a qui adorent rien, il y en a qui adorent 10, il y en a qui adorent 3, il y en a qui adorent 1. Chacun choisit le Dieu qu'il veut, selon ses désirs. S'il a pris un Dieu, il a trouvé qu'il ne lui a pas donné ce qu'il veut, il le jette, il prend un autre demain, il dit, ah, lui il n'est pas bon, je prends un autre. Subhanallah. Hein? C'est pas sérieux ça. Oui, c'est ça. Parce que les hindous, ils absorbent toutes les religions. C'est-à-dire, ils ont dit en Inde, toutes les religions qui sont rentrées, elles ont été avalées par l'hindouisme, excepté l'islam. C'est-à-dire, ils ont été capables d'absorber puis d'incorporer toutes les autres religions à leur religion. Comme si le christianisme est rentré, ils ont rajouté Jésus, Marie, Joseph, les saints, à l'intérieur des différentes divinités hindoues. C'est devenu une autre divinité de plus. Sauf que l'islam, ils ne sont pas capables, parce qu'on n'a pas de représentation, on n'a pas d'image. Et celui qui devient musulman, non seulement il doit accepter seulement d'adorer Allah, mais il doit rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et donc ça vient complètement opposer leur religion et leur société, leur système aussi. Et je connais un frère en France, mashallah, il était hindou, il s'est converti à l'islam, puis il expliquait justement comment avant d'être musulman, il prenait des intermédiaires parmi les différentes divinités pour se rapprocher à Allah, parce qu'il croit qu'il y a un Dieu qui est plus fort que les autres, plus grand, c'est Allah. Puis il y a d'autres petites divinités comme ça, puis ils les prennent comme des intermédiaires. Et souvent c'est des êtres humains, comme par exemple Rama, Vishnu, Krishna. C'est des hommes qui ont vécu des fois et qui étaient des héros chez eux. Ils ont fait beaucoup de grandes choses, alors ils les ont tellement aimés, ils les ont tellement vénérés, après ils les ont pris comme des dieux. La même chose qu'à l'époque de Nuh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Wad, Waswa', Yaghouth, Ya'ouq, Nasr. La même chose, quand ils sont morts, ils les ont pris comme des divinités. Et Al-Lat, la même chose, ils ont dit que c'était un homme, Kana Yaluttu At-Ta'am, Al-Hujjaj, il préparait de la nourriture pour les Hujjaj. Après, quand il est mort, les gens se sont tenus à sa tombe. Donc, à l'origine, Al-Lat, c'était une tombe, la tombe d'un homme pieux. Donc, c'est comme ça que le shirk est rentré. Donc, c'est ça. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, parce que le frère, il est arrivé, donc, ok. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je voulais juste vous annoncer un petit changement par rapport à ça, mais je vais le répéter demain, Inch'Allah. C'est que moi, étant donné que je vais partir en France le dimanche, le 4 avril, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le prochain cours de dimanche, au lieu de faire le dimanche, on va faire vendredi après l'Asr, si c'est possible, Inch'Allah. Ok? Vendredi après l'Asr, comme ça dimanche il n'y aura pas de cours, mais on ne va pas perdre le cours quand même, d'accord? Donc, wa fikum barak, inshallah. Donc, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.